إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، ما أخذنا في درس الماضي؟ ما هي الأصلين الأخيرين اللتين أخذناهما؟ دو داني أصول كنا في الرابع، كتخيم ما هو؟ إذا قلت أن تقول أن المشركين، هذا يكون منصوبا. أيوه، أيوة. إذا بالتوحيد الربوبية. والأصل الخامس يعني هو أن عليكم السلام أن التوحيد هو أساس العبادة، ثم ذكر أنواع العبادة. قبل استدي كنت أريد دلوقتي. ما هي هذه الأنواع؟ croyance اعتقاديه عند الكير لفظيه verbal بدنيه corporelle ماليه financière. هات مثلا من الاعتقادي ان اكزامبل croyance، شيء يحصل في القلب، عباده قلبيه. توكل. احسنت. توكل c'est dans le cœur. يعني on le revoit à travers les actes, mais aslan wa c'est un ressenti dans le cœur. L'ardiya النطق بشهادتين، نعم، والتكبير والتحليل، ايوه نعم، فدو بونسي لي دو شهاده. بدنيه الصلاه، احسنت. وماليه الزكاه. طيب، ثم دخلنا في الفصل، وهذا كنا في الفصل ولا في ال أيوة فصلنا الفصل لأنه ما دخلنا الأصل الخامس. ألا نواصل؟ وعليكم السلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تكررت هذه الأصول فاعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. Donc maintenant, si tu as assimilé ces usul, elles sont confirmées chez toi, sache que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'Anbiya عليه الصلاة والسلام du premier au dernier pour appeler les gens à unifier Allah dans l'adoration. لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه إذ هم مكرون بذلك كما كررناه وذكرنا أو كررناه وكررناه ولذا قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذروا ما كان يعبد آباؤنا وآباؤنا. فقال donc il les a pas envoyés pour leur dire que Allah vous a créé ce qui ressemble car ils le savaient déjà comme nous l'avons déjà démontré et nous l'avons répété. C'est pour cela que dans le sens, Allah, il dit, en parlant des Quraysh, des Mushrikoun, il dit, est-ce que tu nous es venu pour qu'on adore Allah seul et qu'on délaisse qu'adorer nos pères? Donc, l'ibada. Hey, l'inufridahu bil'ibadati wa nukhissuhu biha min duni al-awthan. Falam yunkiru illa talab al-rusul minuhum ifrad al-ibadata lillah. Ou ifrad al-ibadati lillah. Walam yunkiru Allah ta'ala. Donc, c'est-à-dire pour unifier Allah dans l'adoration en dehors de leurs idoles. Donc eux, ce qu'ils n'ont fait, ils n'ont fait que refuser l'appel des Anbiya, des Rasul, à Tawhid al-Uluhiyah, sans pour autant renier l'existence d'Allah. Comme c'est le cas aujourd'hui des gens, tu viens les appeler à l'islam, tu dis, moi je suis athée, je ne crois pas en créateur. Une colle, il n'y avait pas ça, à part Fir'aoun. Sinon, il n'y avait pas chez les gens. Même un robot billet qui est moustakir. Hatta aujourd'hui, ces gens-là, c'est. Comme le Cheikh al-Rajihi, nous appelle les Dahriyoun, ceux qui disent qu'on vient, on part, c'est le temps qui nous fait mourir. Ma fichée, tu vois, c'est juste une vie qu'on passe, après on finit, on n'a plus rien. Et ceux-là, c'est yutabarun yani shadhin. C'est des gens qui sont marginaux en vrai, par rapport à la masse des gens. En vrai, c'est beaucoup de gens le prétendent l'athéisme, mais en vrai, ils n'y croient pas. Au fond d'eux, ils ont. Même c'est juste une philosophie qu'ils ont maintenant pour pouvoir, et Annie, comme on dit, se libérer de tout joug et de dire je fais ce que je veux. Mais anfusihim, quand la mort elle est devant eux, ce genre de choses, tu les vois lever les mains et dire oh mon Dieu, des athées. Des mêmes athées vont te le dire. ثُمَّ قَالَ وَلَا أَنَّهُ لَا يُعْبَدْ بَلْ أَقَرُّهُ بِأَنَّهُ يُعْبَدْ وَأَنْكَرُوا كَوْنَهُ يُفْرَضُ بِالْعِبَادَةِ فَعَبَدُوا مَعَ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرَهُ وَأَشْرَكُوا مَعَهُ سَوَاءً وَاتَّخَذُوا لَهُ أَنْدَادًا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc ils n'ont pas non plus renié le fait de l'adorer. Ils ont reconnu qu'il fallait l'adorer. Ce qu'ils ont refusé, c'est le fait de l'unifier dans l'adoration, que toute l'adoration ne soit que pour lui. Donc ils ont adoré Allah et autre que Allah avec eux. Hada wa shirk. Et même si tu n'adores que autre que Allah, sans adorer Allah, tu fais du shirk kazalik, parce que cette adoration elle est pour qui? Elle est pour Allah. Donc tu vas partager. Tu vas associer. À la kulline. Donc ils l'ont associé autre que lui et ils ont pris, ils lui ont donné des égaux. Comme dans le sens Allah où il dit, et ne donnez pas Allah d'égaux alors que vous savez. Vous le savez. Donc, c'est-à-dire qu'ils savaient. Yani Allah leur a fait savoir qu'ils savaient. Yani que seul lui mérite l'adoration. Vu qu'il vous a créé. Donc ne lui accordez pas d'ego. Quand même, cette adoration, vous ne l'entendez pas autre que lui. Car comme il disait dans la Talbiyah, dans le Hajj, voyez, il disait qu'il répondait à Allah sans associé, hormis un associé qui serait à lui. Il est love, il est shadikan ou alak. C'est ça le love qui leur a été reproché. Quand ça va venir. Wa kana yasma'uhum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 'inda qawlihim la shadikan la shadika lak fa yaqul قد أي أفرده جل جلاله بالعبادة واتركوا قولهم إلا شريكا هو لك فالنفس شركهم بالله تعالى إقرار به تعالى كما قال تعالى أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Donc le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ils entendaient dire cette talbiya, l'appel durant le hajj. Donc lorsqu'il disait la sharika lak, il disait قد مانا يكفي. Ah, genre, ça, ce que vous dites là, c'est vrai. Ne rajoutez pas. Donc, ce love-là, après le ça, qui a causé le furqa avec les anbiya, c'est le fait de l'attribuer des shuraka. Wa qala ta'ala, qul ud'u shuraka'akum, thumma kiduni wa la tunzirun. Si vous prétendez être sur la vérité, invoquez vos associés, complotez contre moi, dans le sens, je suis prêt à faire face. Car je sais que ce que vous faites, c'est vain. Ça n'aura aucun résultat. قال فنفس اتخاذ الشريك الشريك إقرار بالله تعالى لم يعبده الأصنام بالخضوع لهم والتقرب بالنذر والنحر لهم إلا لاعتقادهم أنها تقرب من الله زلفى وتشفع لهم لديه. Donc le simple fait qu'ils aient pris des shuraka associés démontre qu'ils reconnaissaient Allah. Parce qu'ils ont bien dit, ils partagent la chose. Donc s'ils donnent une partie à une chose, autre chose, qu'est-ce que c'est? C'est Allah pour eux. Donc ils reconnaissaient Allah. Quand même. Et qu'ils n'ont adoré les asnam, bil khudur, voyez, en se rapprochant et par les nouzour, les vœux, les sacrifices, si ce n'est par croyance qu'elle les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles intercéderaient pour eux. Ma le farq bayna al-awthan, al-wathan, wa al-sanam. Al-kod akhasta hada. La différence entre un wathan, awthan, al-jam, sanam, asnam. C'est quoi le farq entre les deux? Wathan, c'est aham. Les deux ont traduit par idole en français. Wathan, c'est toute chose telle qu'elle est. Et son âme, c'est une chose qui était façonnée. Une statue. Une statue, une image, un objet, quelque chose qui était confectionné. Et le wathan, c'est toute chose qui adore en dehors de l'Allah en elle-même. Par exemple, demain, quelqu'un qui adore Shams, pour lui, c'est un wathan. Bon, c'est pas lui qui a posé le Shams. Demain, quelqu'un, il vient et, comme il faisait, Mafalan, les sept, là, avec les dolmens, tout ça, là. Ça, c'est des sanam. Ou les statues de Bouddha, tout ça. Ça, c'est des sanam. Donc, les deux, ils ont un lien, c'est que c'est des choses qui sont dehors dans la spontanée, là. La différence, c'est qu'il y en a une qui était façonnée, et l'autre, elle est telle qu'elle. قال فأرسل الله الرسل تأمرهم بالترك عبادة كل ما سواه وأن هذا الاعتقاد الذي يعتقدونه في الأنداد باطل وتقرب إليهم باطل وأن ذلك لا يكون إلا لله وحده وهذا وتوحيد العبادة. Donc Allah a envoyé ses messagers pour leur ordonner de délaisser l'adoration, tout ce qui est adorant en dehors de lui. Et que cela, cette croyance qu'ils avaient en eux que c'est Asnam, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est faux, c'est batil. Pour leur dire c'est batil ce que vous faites, ça sert à rien. Bel achad min al batil yadurrukum. Car une chose pourrait être vaine, mais elle ne te fait rien. Ce que tu fais c'est vain. C'est vain. Là c'est vain, car tu n'en tires rien. Bel, tu en tires des péchés. Et tu en tires le pire des péchés qui est le shirk. Car demain tu fais une action, elle ne sert à rien du tout. Elle ne t'apporte aucun bien, en même temps elle ne t'apporte aucun mal. Mais là, elle ne apporte aucun bien, belle, elle apporte tout le mal qu'il y a. Qui est le kufr, billah ta'ala. Wa nadhalika la yakunu illa lillah. Et que tout cela n'est que pour Allah seul. Et c'est cela qui est tawhid al-ibad. وقد كانوا مقرين كما عرفت في الأصل الرابع بتوحيد الربوبية أنه الخالق وحده ورازق وحده. تمام. Et comme on l'expliquait dans le أصل الرابع, quatrième fondement, qui reconnaissait توحيد الربوبية, que Allah est le خالق et رازق seul. ومن هذا يعرف أن التوحيد الذي دعت إليهم الرسل من أولهم وهو نوح عليه السلام إلى آخرهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وتوحيد العبادة الذي نقول تقول لهم الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقولوا تعالى ألا تعبدوا إلا الله. Donc de là on sait que le توحيد auquel ont appelé les messagers du premier au dernier. Le premier qui était-il? Nuh alayhi salam. Et le dernier qui était-il? Muhammad sallallahu alayhi salam. C'était Tawhid al-Ibadah. C'est pour cela que leurs messagers leur ont dit, dans le sens où Allah il dit dans le Coran, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ilah. Hein? N'adorez que Allah. Donc là, on a déjà cité dans notre douros, que Nuh, c'est le premier Rasoul. Amen. Et qu'il y a un fork entre un Rasoul et un Nabi. Qu'est-ce que tu as dit? Mahou. Faddal. La différence est que les messagers sont envoyés à un qawm qui où il y a du shirk, qui est moukhalif. Il vient avec un nouveau livre ou un nouveau message. Et le Nabi, il peut venir sur un qawm qui est déjà croyant pour le rappeler. Voilà. Ah là, là c'est le ta'arif, c'est la chose, le darbit qui est le plus proche du haqq. Et d'autres ulama, ils ont dit que le Rasoul, c'est un homme à qui il a été révélé, tamam, et qui lui a été ordonné de retransmettre cette révélation. Vous voyez, Uhiya ilayhi wa umira bitablir. Wa nabi, Uhiya ilayhi wa lam yu'mar bitablir. Ils disent que le prophète, il a été révélé, il n'a pas été ordonné de retransmettre. Et en fait, on a des ulama, ils disent, retransmettre, ça veut dire quoi par là, retransmettre? Ce n'est pas de ne pas parler aux gens ou quoi. Il y en a qui disent, c'est le djihad, en fait. De combattre l'opposant. Il n'aura pas été ordonné au Nabi de combattre l'opposant. Il y en a qui disent comme ça. Amat tablir, adal kol, yaradduhu hatal adillah. Comment que le prophète, comme le dit Cheikh Al-Albani, comment un prophète ne lui a pas été ordonné de retransmettre alors que nous-mêmes, la Ummah, ça lui était obligatoire de retransmettre. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Que ce soit de sorte de vous, une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, et ceux-là qui réussissent. Donc comment le Nabi, qui est une wahi, et qui est la asma, qui est infaillible dans la transmission, il n'a pas à le faire et nous on doit le faire. Demain, un alim, qui, d'ailleurs, des hadiths sont venus de celui qui cache la science. Celui qui cache la science, il mérite la la'na. Donc comment dire qu'un nabi ne doit pas retransmettre? Ce n'est pas obligatoire pour lui. Tayyib, là je te pose une question. Al-Rasul, kama kulta, hadha wa kalam shaykh al-Islam, qui à la base est envoyé un peuple mukadzib, mushrik, kafir. Moi, dans cette définition-là, il y a un truc qui me pose problème, c'est Isa alayhi salam, c'est un rasoul, il est envoyé à Ben Israël. Et c'était des croyants. Après, il y en a parmi eux qu'on, bien sûr, qu'on dévié, l'achèque, mais parmi eux, ils croyaient en leur livre. Les gens à qui Isa est envoyé. Isa, c'est un rasoul. Il est envoyé à qui? Ben Israël. Moi, c'est un truc qui m'a posé problème dans cette définition, tu vois. À la colline. Taïeb, l'ishkel, c'est pas celui-là que je vais te poser. L'ishkel, c'est, on a dit, que le Rasoul, il vient avec une charia, avec une maïalzem, allez comme ça. Il se peut qu'il vienne confirmer la charia, quelque chose de nouveau, c'est possible. Tout comme le kitab. À la base, c'est que le Rasoul, il vient avec un kitab, Mais ce n'est pas l'azim. Par exemple, il était dit que Youssouf, il n'a pas eu de kitab. Et que le Nabi, il rappelle aux gens, à un peuple croyant, ce que leur messager précédent leur a donné. Il leur revivifie cette Sharia. Souel, Adam alayhi salam. Nabi ou Rasoul? Nabi. Qu'est-ce qu'il rappelle aux gens? Qu'est-ce qu'il rappelle aux gens, Adam? Ah ouais, là qui est Nabi ou? Par rapport à ça, les ulama ils disent que Adam alayhi salam, à la base, le qom de Adam jusqu'à Nour, ou avant Nour, parce qu'il y a eu un khilaf par rapport à Nour, Kanu ala al-fitra, ala al-tawhid. Après, il y a eu un khilaf dans la masa du Komnouh, car, yani, dans les versets, ils disent que Nouh, il est venu, il a appelé son peuple à al-tawhid de laisser l'Aufan, et que Ibn Abbas, dans les versets, dans les tafsirs du verset, ils disent que c'est Asnam qui était adoré, Nasr wa Ya'outh wa Ya'ouk, c'était des hommes pieux du peuple de Nouh, qui ont été adorés. Quand tu regardes bien la chronologie des faits, ça ne coordonne pas. Car Nour, il est arrivé, ces gens-là étaient, ces idoles étaient adorées. Et dans le tafsir, on dit que c'était des gens du peuple de Nour qui ont été adorés. Et on raconte que c'était des gens qui étaient des gens pieux, droits. Quand ils sont morts, Shaitan est venu dire aux gens, faites une sourate à leur effigie pour vous rappeler d'eux. Première génération, ils l'ont fait. Pas de shirk. Après, ils sont morts. Ceux d'après, on fait pareil. Après, ils sont morts. Et ceux d'après, on oublié, sont les adorés. Donc, il y a eu combien de générations? Nour, il n'était pas là. Donc, comment ces gens-là pouvaient être du peuple de Nour? C'est là qu'il y a Nishkel. Charles Femi, même le site Nishkel, il n'a pas pu répondre. Tu vois? Mais le tafsir, c'est le tafsir d'Ibn Abbas, et l'histoire de ses idoles dans le Coran est citée. Maintenant, peut-être que, on sait que Nour, il a vécu très longtemps. Peut-être que c'était avant sa prophétie. Et son message. Parce qu'on sait qu'il a appelé son peuple, combien de temps? Aïwa. Ça ne veut pas dire qu'il a vécu 950 ans. Qu'il dans son peuple, ils ont appelé ce temps-là. Maintenant, après, quand il y a eu le quand Allah s'entend a détruit son peuple, combien de temps il a vécu par la suite? On ne sait pas. Parce que des gens disent qu'il a vécu 1000 ans. On dit non. Dans le Coran, on a dit qu'il les a appelés, il a vécu auprès d'eux 950 ans. Mais on ne sait pas ce qu'il y a eu après. Parce qu'il a vécu encore plus que ça, Allah Alam. Et on ne sait pas depuis quand il a commencé à appeler. Parce que la Nubuwa, elle a été donnée enfant dans le Coran, c'était que deux. Deux messagers, prophètes qui ont eu depuis l'enfance. Manhuma, Isa alayhi salam, Ma'alouf, wa Yahya. Il n'y a pas dit que Nour, le message, il était enfant. Donc combien de temps y a-t-il eu entre la naissance de Nour et le début de son message? Allah Alam, on n'a pas de texte. Donc, peut-être que le lien, c'est ça. C'est qu'il a vécu très longtemps et qu'il s'est passé ces choses-là. Parce qu'on savait qu'à l'époque, ils vivaient très longtemps, les gens. Après, ça, c'est juste une déduction comme ça, une hypothèse que j'ai faite, mais j'ai pas de salève, j'ai pas de savant qui m'a devancé là-dessus. C'est juste une belle, belle suggestion. Par contre, Ama, Alain, Ulama, ça, c'est une chose qui reste toujours éclaircir. Donc, comme on dit, le peuple de Nour, alayhi salam, avant sa venue, du moins le peuple de Adam, comme Adam, Kanou, à la fitra. Et cette mas'ala-là, Inch'Allah, je voulais évoquer une parenthèse, ce sera dans le prochain vers, par rapport à la fitra. Un truc sur lequel beaucoup de personnes, malheureusement, ont une mauvaise compréhension. Et on l'évoquera, Inch'Allah, dans le prochain vers. C'était un petit peu long, je voulais pas trop allonger ce vers-là. On en parlera, Inch'Allah, dans le Messept. Qal. Wa qad kana al-mushrikuna minhum man ya'budu al-mala'ikata wa yunadihim. Donc il dit parmi les mouchrikoul, certains qui adoraient les anges et les appelaient Inda dans la difficulté. Là, c'est pas une chose qui est générale. C'est certains d'entre eux qui le faisaient. On a appris que les mouchrikoul, dans le Coran, Allah dit bien que dans la Shada'id, ils étaient mukhlisoun, dans le Dua. Et là, il dit quoi? Qu'ils invoquaient les malaïka, fi al-Shada'id. Mais c'est pas tous. Aminhum man ya'bud ahjaran. ويتحفوا بها وهي في الأصل صور رجال صالحين كانوا يحبونهم ويعتقدون فيهم فلما هلكوا صوروا صورهم تسليا بها فلما طال عليهم الأمد عبدوهم ثم زاد الأمد طولا فعبدوا الأحجار. Et parmi eux, certains qui adoraient des pierres, qui les appelaient. Et ces pierres, à la base, quand on dit des pierres, en fait, c'est des statues, je pense. Des statues, Allah Alam, qui à la base, ces images, ces représentations, ces souars, c'est des gens pieux qu'ils aimaient. Ça, c'est apparemment, c'est la même histoire que les. Pour Alexin, que le com de Nour. Non. Ils les aimaient, quand même, et lorsque ces gens sont morts, afin, ils les ont représentés par consolation. Et après, avec le temps, ils sont mis les adorer. Et au final, après avoir même adoré ces images qu'ils ont fait leur effigie, ils sont mis à adorer des pierres. Sûrement qu'ils ont appelé pareil ou ils ont refait par la suite. C'est pas précisé. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدْ الْمَسِيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدْ الْكَوَاكِبِ وَيَحْتَفْ بِهَا عَنْدَ الشَّدَائِدِ فَبَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ بِأَنْ يُفْرِدُوهُ بِالْعِبَادَةِ كَمَا أَفْرَدُوهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et par la suite, parmi eux également, il y en a qui adorent le Messie, Isa ibn Maryam. Parmi eux, certains qui adorent les astres, les planètes, et qui les appellent lors des difficultés. Donc Allah SWT a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour appeler à Allah qu'il l'unifie dans l'adoration, comme ils l'ont unifié dans Rububiyya, dans la seigneurie des cieux de la terre. وَنَّ يُفْرِدُوا بِكَلِمَتْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ مُعْتَقِدِينَ لِمَعْنَاهَا عَامِلِينَ بِمُقْتَضَاهَا وَأَنَّهُمْ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَقَالَ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Donc ils unifient Allah en disant La ilaha illallah, en ayant pour croyance le sens de cette parole, en appliquant ce qui implique cette parole, et qui n'invoque personne avec Allah. Dans le sens Allah il dit, et c'est lui, à lui que revient l'invocation de la vérité, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne vous répondront en rien. Encore le Ta'ala. C'est sur Allah que, on va dire, les croyants passent leur confiance. Ay min shart at-tasdiq billah ala yatawakkalu ila alayh wa an yufriduhu bit-tawakkul kama yuhibbu an Parmi les conditions de la véracité par rapport à Allah, d'être véridique envers lui, c'est de placer ton tawakkul sur lui, ta confiance sur lui. Seulement. et de l'unifier dans le tawakkul, comme il est obligatoire de l'unifier dans le dua et dans la demande de pardon. Le tawakkul, c'est une ibada, elle est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de tafsil. Il n'y a pas de tafsil. Et celui qui n'a pas de tawakkul, ce n'est pas un mu'min. Comme il dit, ta'ala fil aya, il dit, wa lallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Donc c'est sur Allah que vous placez votre confiance et vous êtes des croyants. C'est-à-dire que celui qui ne place pas sa confiance en Allah, ma ma'na hada, et sa mu'min. طيب سنقف هنا اليوم et là il continue dans le tafsil qui est lié à l'envoi des rusul et le hal des mushrikin. Ah ben. Et comme je t'ai dit, le dernier prochain inchallah on parlera d'un sujet lié à la fitra biznillah ta'ala. Un actuel là طيب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.